une grosse voiture noire sur une route au milieu des bois. Et soudain, dans le ciel, deux avions. Les pilotes ont repéré l'auto. Ils piquent au-dessus de la route, des mitrailleuses crépitent. Le véhicule cahote sur le bas-côté et s'arrête. Le passager avant, les jambes brisées, pose sa main sur la poignée de la portière. Il n'a pas le temps de sortir. Les avions font un nouveau passage. L'homme est frappé en pleine tête. Il meurt sur le coup. Le chauffeur est grièvement blessé. Sur la banquette arrière, une jeune femme est miraculeusement indemne. C'est ainsi qu'est mort, en 1945, celui qu'on appelait le Grand Jacques. Jacques Doriot, un des leaders du Parti communiste français qui a basculé dans le fascisme peu avant la Seconde Guerre mondiale et sera ensuite un des collaborateurs les plus zélés pendant l'occupation. Étrange personnage, meneur d'hommes, excellent tribun et d'un courage physique incontestable, mais aussi un opportuniste, un homme capable de se renier d'un instant à l'autre, une grande gueule gouvernée par sa seule ambition politique. Si M. Hitch a choisi cette semaine de me parler de cet homme, c'est que les circonstances de sa mort demeure toujours un sujet de polémique. D'où venaient les avions qui ont mitraillé son auto? Étaient-ils allemands ou anglo-américains? Et qui avait intérêt à voir disparaître le leader fasciste au moment où, enfin, il avait réussi à fédérer la fine fleur de la collaboration réfugiée en Allemagne? Bref, Doriot a-t-il été sciemment liquidé? Monsieur X assure connaître la vérité. Vieille histoire, me direz-vous. Pas tant que ça, quand on songe qu'il y a peu de semaines, des centaines de militants d'extrême droite se sont réunis à Versailles pour célébrer les louanges du Troisième Reich et afficher une idéologie raciste qui était déjà celle d'un Jacques Doriot et de son parti, le PPF, Parti Populaire Français. S'il y a eu en France un vrai leader fasciste, c'est lui, Jacques Doriot, le véritable émule d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini. L'uniforme, le salut main levée et les mêmes idées nauséabondes, bien sûr. Ah, il a tout imité, quoi. Tout calqué, oui. Mmh. Et pourtant, ce type, vous le savez, venait de loin, de l'autre côté de l'échiquier politique. Oui, c'est le Parti communiste. C'est ça, oui. Et Doriot aurait très bien pu, au lieu de devenir un leader fasciste, être le numéro un du Parti communiste français. Oui, mais ça veut au moins dire que ses convictions étaient fluctuantes. Hein. Moins qu'on puisse dire. Jacques Doriot n'avait au fond qu'une idée, devenir le chef. Le chef de n'importe quoi, si je comprends bien. Oui, alors voyons ça d'un petit peu plus près. Ouais. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais simplement donner quelques coups de projecteur sur la vie de ce personnage sulfureux. Au départ, il y a un jeune homme qui commence à travailler très tôt comme meneur. Pas d'études, donc? Non, mais Doriot est intelligent, il lit beaucoup et il se cultive tout seul. Enrôlé en 1918, il combat au chemin des Dames. Puis après l'armistice, on le retrouve à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. Sidérurgiste, il milite aux Jeunesses socialistes. Et après le congrès de Tours et la scission au sein de la SFIO, il choisit le léninisme. C'est-à-dire le nouveau parti communiste. Hein. Oui, son grand homme, c'est alors Trotsky. Mais dès que Staline l'emporte, après la mort de Lénine, il rallie le petit père des peuples, comme on va l'appeler. L'opportunisme, hein, déjà. Oui, c'est le trait fondamental du bonhomme. Et Doriot va aller très vite, car il possède d'incontestables qualités. Il sait parler aux militants, il est dynamique et surtout il fait preuve d'un courage physique indéniable. Dans les années 20, alors qu'il est devenu député de la circonscription de Saint-Denis et secrétaire des Jeunesses communistes, on le trouve toujours en tête des manifestations, contrairement à d'autres dirigeants. Qui se plantent. Ouais, enfin, il n'hésite jamais à faire le coup de poing. Ouais, physiquement, hein. D'ailleurs, c'est un type très costaud. Hein. Ah oui, il est grand, massif et violent, bien entendu. À l'époque, le principal cheval de bataille du Parti communiste, c'est l'anticolonialisme. À cause de la guerre du Rif au Maroc. Et les manifestations, elles sont particulièrement musclées. En 1925, je crois, hein, au cours d'une altercation avec les gardiens de la paix, Doriot frappe si violemment l'un d'entre eux que le policier en mourra. Ah bon, et bah, il est arrêté là. Naturellement. Toutefois, parlementaire, il sera libéré. D'ailleurs, ce ne sera pas son seul séjour en prison. Doriot est alors un véritable révolutionnaire, un antimilitariste acharné et un baroudeur internationaliste qui se rend en Russie et même en Chine. Et cet activisme lui vaut d'être le dirigeant communiste français le plus populaire. Et il est alors très jeune, enfin encore très jeune. Oui, oui. C'est ça. Il a été élu député à l'âge de 25 ou 26 ans. Alors, il peut dès lors nourrir les plus grandes ambitions. Forcément. Et il se verrait bien devenir le secrétaire général de son parti. Mais enfin, déjà, à cette époque, Staline se méfie de cet ambitieux qu'il ne pourra peut-être pas contrôler. Et il fait en sorte de le tenir à l'écart. Et réaction de Doriot? Il peste, mais il se soumet. Il sait qu'il ne pourra pas s'emparer du Parti communiste sans l'appui de Staline. Mais en privé, il ne se prive pas de critiquer la politique du maître du Kremlin. Dangereux, ça. Hein, ouais. Mais Doriot a tendance à penser qu'il est indispensable. Toujours aussi populaire dans le parti, le grand Jacques, comme on l'appelle, s'est taillé un fief à Saint-Denis, dont il est le maire. Et alors qu'au début des années 30, le Parti communiste reflue un peu partout en France, il se permet d'être réélu maire avec près de 75% des voix. Un vrai triomphe. Ouais. Ouais. Et Doriot ne doute pas que ce succès lui vaudra de devenir à terme le numéro 1 du parti. Mais Moscou en décide autrement. Oui, c'est Thorez. Oui. Staline a choisi Maurice Thorez contre Jacques Doriot. Thorez plus malléable et entièrement soumis à Moscou. D'autant plus soumis que Staline peut à tout moment brandir la menace Doriot. Mmh. Vous voulez dire la menace de le remplacer par Doriot? Exactement. Mmh. Et effectivement, à un moment, le maire de Saint-Denis a pu croire qu'il avait gagné contre son rival. C'est quand ça? En 1932, si ma mémoire est bonne. Oh, elle est ordinairement excellente. Bah, je vous remercie. Donc en 1932, à l'occasion d'une grande messe de l'Internationale communiste, Doriot et Thorez font le voyage de Moscou. Et le premier, lorsqu'il revient en France, est enchanté, il est persuadé d'avoir gagné. Oui, et donc convaincu Staline. Oui. Mmh. Oui, mais Thorez, lui, est demeuré à Moscou plus longtemps. Et c'est lui qui emporte le morceau, si je puis dire. La conséquence, c'est que le grand Jacques va peu à peu se détacher du Parti communiste. Et alors, à votre avis, là, il serait resté communiste s'il avait obtenu satisfaction? Naturellement. Mmh. Et quand intervient la rupture, alors? Bon, peu de temps après, en février 34, l'extrême droite manifeste violemment à Paris. Doriot préconise le rassemblement de la gauche contre le fascisme. Ça ne manque pas d'humour quand on connaît la suite. Hein. Effectivement. En tout cas, la direction du Parti communiste lui reproche alors une initiative droitière. Et là encore, ça ne manque pas de sel. Car bientôt, les communistes, sur ordre de Moscou, vont justement adopter la politique de front populaire et de main tendue aux socialistes. Enfin, peu importe. Thorez et les siens ont trouvé un prétexte pour éliminer Doriot. Et c'est à ce moment-là alors que Doriot va basculer. Oui, assez rapidement. Dans un premier temps, il imagine de se rapprocher de la SFIO, mais les socialistes qui font maintenant ami-ami avec les communistes ne peuvent pas donner suite. Mmh. Et Doriot finit par créer son propre parti. Oui, c'est le PPF. Hein, oui, c'est le Parti Populaire Français. À l'origine, il s'agit d'un parti ouvrier qui se veut indépendant de Moscou. Mais un parti de gauche, quand même. D'ailleurs, Doriot n'est nullement hostile au Front Populaire et approuve les réformes entreprises. Mais ça va très vite déraper. Car ce qui caractérise le PPF, c'est d'abord son anticommunisme virulent. Et alors ça explique la dérive progressive vers le fascisme? Oui, il faut aussi dire, et ça n'excuse rien, que Doriot est très vite rejoint par des gens qui se situent clairement à droite, sinon à l'extrême droite. Des gens souvent brillants d'ailleurs, ces intellectuels, comme dira Doriot. Et parmi eux, il y a par exemple Drieu La Rochelle, ou encore Jouvenel. Ouais. Les intellectuels, c'est l'expression qu'on emploie aussi couramment au Parti communiste. Exact, hein. Oui. Ouais. Notez-le bien, tout au long de sa vie politique, Doriot gardera des réflexes et des méthodes de militant communiste. Mmh. Alors, la création du PPF est-elle un succès? Incontestablement, ce nouveau parti rassemble des milliers de militants, des gens souvent très jeunes et d'origine ouvrière. Mmh. Doriot joue sur sa popularité d'ancien dirigeant communiste. Hein. Oui, c'est un chef très charismatique, capable de dynamiser une foule. En outre, son entreprise est accueillie très favorablement par le patronat, même si Doriot feint de stigmatiser les 200 familles, comme on disait à l'époque. Ouais, 200 familles. Donc ça signifie qu'il est financièrement soutenu. Et son principal représentant auprès de la grande industrie n'est autre que Pierre Pucheux. Ouais, futur ministre de Pétain. Ministre de l'Intérieur, oui. Ouais, technocrate. Et la dérive alors, vers le fascisme est-elle rapide? Très rapide. Doriot veut un État fort, fondé sur la famille, la commune et le corporatisme. Ah, c'est déjà Vichy, ça. Ça y ressemble. Mmh. Et pour accentuer la ressemblance avec les mouvements fascistes, Doriot impose à ses militants le salut à la romaine et l'uniforme. Et naturellement, le culte du chef, bien sûr. Pardonnez-moi d'y revenir, mais ce basculement de Doriot vers le fascisme est quand même assez incroyable. Oui, je sais. Et vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. La vérité, c'est que depuis longtemps, Doriot avait perdu la foi communiste. En fait, je pense qu'il n'avait plus aucune conviction. Seul l'habitait la soif de pouvoir. Et il a conçu un appareil susceptible de satisfaire ses ambitions. Il a choisi le fascisme comme il aurait très bien pu choisir autre chose. Ça, j'en suis persuadé. Mais à partir du moment où il s'était engagé dans cette voie, il ne pouvait plus reculer. Il était en quelque sorte prisonnier de lui-même et ça l'entraînera jusqu'aux pires extrémités. Qui était Jacques Doriot? J'emprunte ces quelques lignes à l'un de ses biographes, Dieter Wolf. Jacques Doriot était un être qui attirait et repoussait à la fois. Une force brutale de la nature, un homme qui, toute sa vie, a pris des positions extrêmes. Si l'on ne peut lui dénier son courage politique, son don de parole et son pouvoir d'adaptation sociale, il est cependant certain qu'au cours de sa carrière mouvementée, il s'égara de plus en plus dans des chemins qui aboutirent à des aventures politiques et même à des régions troubles où le fanatisme confinait aux criminels. Pour expliquer cette carrière, il n'est besoin ni d'histoire policière, ni d'histoire de corruption. Doriot échoua par lui-même, par son tempérament indomptable, par son ambition démesurée, par sa haine aveugle et exaspérée, par son avidité de pouvoir sans scrupule. Quant à l'historien Henri Rousseau, il écrit ceci dans son livre « Un château en Allemagne ». Grand, puissant, massif, Doriot est un sanguin. Ses petites lunettes rondes n'arrivent pas à adoucir son visage carré. Ses yeux dégagent une vivacité étonnante. Est-ce par hasard ou par mimétisme? Mais tous les dictateurs en herbe ou en poste de cette époque ne semblaient vivre que par leur regard. Sa carrière politique est une illustration vivante des contradictions de l'entre-deux-guerres. Après des débuts triomphants, le PPF connaît pourtant des lendemains difficiles. Et c'est son chef, Doriot, qui est personnellement attaqué. Que se passe-t-il, hein? Max Dormoy, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Front Populaire, le démet de ses fonctions de maire de Saint-Denis. Pour quelle raison? C'est sa gestion dispendieuse des finances communales qui est mise en cause. Toutefois, le Conseil d'État casse cette décision et les électeurs de Saint-Denis retournent aux urnes. Mais la puissante machine communiste s'est mise en marche. Et Doriot, qui avait toujours été élu sans difficulté, est battu. Dépité, il démissionne de son mandat de député. Ce qui est plutôt tout à son honneur, ça. Sans doute, oui. Enfin, la suite est confuse. En 1938, ce nationaliste approuve paradoxalement les accords de Munich, ce qui provoque une véritable crise dans son parti. Puis, lors de l'invasion des Sudètes par les troupes d'Hitler, il appelle à la riposte et imagine même d'en appeler à l'URSS. Lui, l'anticommuniste forcené. Mais Doriot n'est pas une contradiction près. Mais le pacte germano-soviétique de 1939 le remet sur le droit chemin, si j'ose dire. Quand la guerre est déclarée, Doriot est mobilisé et au cours de l'offensive allemande, il combattra courageusement et sera même décoré. Et quand arrive la débâcle et que Pétain vient au pouvoir? Le grand Jacques exulte et se rend très rapidement à Vichy. Il veut proposer ses services, quoi. Naturellement. Et il affirme qu'il est désormais l'homme du maréchal. En fait, c'est son véritable objectif. Il veut placer ses hommes chez Pétain. Et pourquoi pas? Il prétend devenir chef du gouvernement. Mais les Allemands décident autrement et imposent Laval au vieux maréchal. Encore un échec, hein? Ouais, même si Pétain accepte de subventionner son journal et le nomme dans son conseil national de l'État français. Ouais, c'est un hochet, ça. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Ouais. Doriot ne peut pas s'en satisfaire. Attendez, avant d'aller plus loin, là, pourquoi les Allemands n'ont pas voulu de lui? Un homme a joué un grand rôle dans cette affaire, l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz. Il connaît parfaitement la France, où il a longtemps séjourné avant la guerre, et il a jugé comme Staline, au fond, que Doriot n'était pas un personnage fiable. Et cette hostilité d'Abetz à l'égard du leader du PPF ne se démentira pas. Enfin, ce n'est pas le seul souci de Doriot. Ah bon, quoi d'autre encore? Il doit faire face à une rude concurrence dans les milieux de la collaboration. Dans la zone occupée, il existe en effet plusieurs autres mouvements ou partis d'obédience fasciste. Oui, il y a DA, hein? DA, oui. DA, un ancien socialiste qui a créé le RNP, le Rassemblement National Populaire. Sur le fond, c'est-à-dire l'idéologie, rien ne séparera vraiment les deux hommes. Mais ils se détestent. Il y aura aussi le MSR, le Mouvement Social Révolutionnaire d'Eugène Deloncle. Ouais, lui, c'est l'ancien dirigeant de la cagoule. Lui-même. Il existe aussi le mouvement franciste de Marcel Bucard. Et le service d'ordre légionnaire bientôt créé par Joseph Darnand. Et encore d'autres. Enfin bref, la compétition est rude. Et ça grenouille chez tous ces collabos qui n'ont qu'une idée en tête et trop mieux avec les Allemands. Pour supplanter les autres. Bien sûr. C'est pourquoi, par exemple, ces partis vont faire assaut d'antisémitisme. Et Doriot aussi? Oui, dans ses discours, dans ses journaux, il développe un antisémitisme qui frise l'hystérie. Ouais. Il vient de loin, hein. Mais, de tous ces mouvements fascistes, quel est le plus puissant? C'est le PPF de Doriot. D'abord parce que c'est le parti qui compte le plus de militants, mais aussi parce que la presse du parti compte de nombreux professionnels et que des plumes prestigieuses le soutiennent, tels Rebattet, Drieux La Rochelle ou Céline. Ouais. Enfin, de tous ces chefs collabos, c'est assurément Doriot qui est l'orateur le plus talentueux. Et comment évoluent ces rapports avec les nazis? Berlin et donc Hitler ne se départiront jamais d'une grande méfiance vis-à-vis de Doriot. L'homme inquiète. Mais il est utile. Ah oui, parce qu'il est pro-allemand. Et parce qu'il permet à Hitler d'exercer une pression permanente sur Pétain. Ah, c'est le grand méchant, lui. Oui, enfin, d'une certaine façon, oui. Les Allemands disent à Pétain, si vous ne nous obéissez pas, on va vous envoyer Doriot. Ah oui, à la tête du gouvernement. Et devant cette menace, le maréchal cède à chaque fois. Alors, il était si impressionnant que ça, Doriot. Ah, c'était un fasciste, un partisan de la manière forte. Et s'il était arrivé au pouvoir, il est sûr qu'il aurait bousculé le maréchal. Ouais. Donc il fait peur. Et remarquez-le bien, Hitler n'agit pas autrement que Staline, qui se servait de Doriot pour tenir Torres. Étrange parallélisme, ouais, là. Ouais. Et Pétain, très conscient de cette espèce de chantage qu'exercent sur lui les Allemands, grâce à Doriot, est très désireux d'éloigner le leader du PPF. Et l'occasion va lui en être donnée. En 1941, au mois de juin. Vous le savez, Hitler envahit l'URSS. Oui, c'est l'opération Barbarossa. Hein. Pour les fascistes de tout poil, c'est une excellente nouvelle. L'ennemi est maintenant clairement désigné, c'est le bolchevisme. Et Doriot, qui brûle de passer à l'action, propose immédiatement de créer une armée de volontaires français qui combattront les troupes soviétiques aux côtés de la Wehrmacht. Ce sera la LVF. La Légion des volontaires français, oui. Pourtant, à Berlin, comme à Vichy, on n'est pas très enthousiaste. Expliquez-moi pourquoi, là, ça. Hitler, encore une fois, se méfie. Cette Légion pourrait bien, à terme, amorcer la renaissance de l'armée française. Par conséquent, il impose des restrictions très strictes. Cette Légion ne doit pas compter plus de 15 000 hommes. En fait, Doriot aura du mal à rassembler plus de 3000 volontaires. Mmh. Et Pétain alors aussi le maréchal, malgré sa politique de collaboration active, n'envisage pas d'un très bon œil la présence de militaires français combattant sous l'uniforme allemand. Mais d'autre part, ça lui permet de se débarrasser provisoirement de Doriot, car le chef du PPF a tout de suite annoncé qu'il irait en personne se battre sur le front de l'Est. Toujours le goût de l'action. Oui, on ne peut pas lui dénier ce courage physique. Car Doriot sera le seul des chefs des partis fascistes qui ont pourtant tous applaudi à la création de la LVF à s'engager. Mmh. N'y a-t-il pas chez lui une manœuvre politique? Bien entendu. Et quand il revient au bout de quelques mois, arborant triomphalement son uniforme allemand, il espère avoir enfin obtenu la confiance de Hitler. Et surtout, il pense s'être rendu indispensable. On ne pourra plus se passer de lui. Et effectivement, on lui laisse entendre qu'il pourrait entrer au gouvernement à l'occasion du retour aux affaires de Laval. Mais une fois de plus, il est écarté. Par Pétain ? Non, par Hitler. Hitler qui préfère qu'il demeure l'épouvantail qui lui permet de faire pression sur Vichy. Mmh. C'est quand même étrange. Enfin, n'aurait-il pas été plus confortable pour les Allemands d'avoir à la tête du gouvernement français un vrai fasciste, enfin un homme partageant leur idéologie ? Eh bien non. Et ça s'explique très bien. Un Führer à la française risquerait d'être plus exigeant et moins souple que Pétain. En outre, l'instauration d'un régime nazi en France pourrait susciter des troubles, des émeutes peut-être. Mmh. Et Hitler n'en veut pas. L'édredon Pétain lui convient parfaitement. Ah, l'édredon, oui. Et que fait Doriot alors ? Ben, il est furieux et il accuse ouvertement Pétain et Laval de mollesse. De mollesse ? Oui, il leur reproche de ne pas collaborer plus activement avec l'Allemagne dans son combat contre le communisme. Alors il retourne sur le front de l'Est. Il n'en reviendra que lorsqu'il aura connaissance d'une tentative d'unification des partis collabos. Ah ouais, une unification qui se ferait sans lui, c'est ça ? Contre lui. Alors il demande une permission, file à Paris et fait échec à cette manœuvre. Puis il repart servir dans les rangs de la LVF. Mais je voudrais aborder un aspect beaucoup plus obscur. L'engagement de Doriot auprès des nazis allait bien au-delà de sa présence sur le front de l'Est. C'est-à-dire ? Ben, le chef du PPF était devenu un agent. Un agent, vous voulez dire un agent de renseignement, c'est... Exactement. Un agent au service de la machine de répression des nazis. Pourquoi Hitler n'a-t-il pas confié le gouvernement de la France à Doriot ? Monsieur X a donné son explication, mais on trouve une analyse encore plus fine chez un biographe de Doriot, Jean-Paul Brunet, je le cite. Pourquoi Hitler n'accepta pas qu'il accédât au pouvoir tout en refusant qu'on interdit le PPF ? Dès 1941, l'attitude de Hitler est très claire à cet égard et sa politique vis-à-vis de la Hongrie et de la Roumanie le confirmait. Dans les pays qu'il dominait, il préférait l'ordre à l'idéologie et les dirigeants conservateurs, voire nationalistes, à ses émules fascistes. Si, en novembre 1942, il avait laissé Doriot prendre le pouvoir, la France n'eût cessé de le presser et de lui parler d'alliances, d'engagements, de traités de paix, de compromis et de concessions réciproques, ce dont il ne voulait à aucun prix. Surtout, le pays eut vraisemblablement sombré dans la guerre civile et le chaos, ce qui l'eût mis hors d'état de poursuivre les énormes transferts économiques indispensables à la machine de guerre allemande. Un Doriot, tenu en lisière des affaires, représentait au contraire un formidable moyen de pression sur le gouvernement français. Ainsi que le soulignait un rapport du deuxième bureau parvenu aux Américains en juillet 1942, depuis l'armistice, l'Allemagne a toujours des revendications à faire valoir contre la France et contre le gouvernement français. C'est un état endémique, soigneusement entretenu. Au fur et à mesure qu'une revendication a été plus ou moins satisfaite, on en formule une ou plusieurs autres. C'est très tôt que Doriot a pris contact avec le SD allemand, c'est-à-dire le service de renseignement et de sécurité du Reich. Et dès 1941, il lui fournit des renseignements sur l'Afrique et sur Vichy. Au fond, il a mis son parti au service des Allemands. Pas tout son parti, non. En fait, Doriot a constitué une sorte de section spéciale au sein du PPF. Un bureau secret, le bureau Y, dirigé par un certain Begras. Cet organisme va bientôt fonctionner comme un vrai service de renseignement qui va fournir des informations précieuses sur la résistance ou sur les parachutages. Est-ce que ça ne signifie pas aussi que Doriot, alors agent allemand, hein, est tenu par les Allemands ? C'est certain. Et c'est pourquoi le leader du PPF veille à ce que ses activités de renseignement demeurent secrètes, même à l'intérieur du PPF. Enfin, passons. Encore que cet engagement témoigne de l'abjection du personnage. Au début de l'année 1944, Doriot est de retour à Paris. Ok, il quitte la LVF, là ? Oui, mais il continue à parader dans son uniforme de lieutenant de la Wehrmacht et à critiquer Pétain et son gouvernement. Quand la libération de Paris se dessine, au mois d'août, Pétain et Laval sont embarqués par les nazis et conduits en Allemagne. Oui, c'est Sigmaringen. Hein. Dans un château baroque appartenant à une branche des Hohenzollern. Mais vous connaissez naturellement le livre de Céline, D'un château l'autre. Oui, ça je connais, oui. Oui, où l'auteur décrit l'atmosphère hallucinée et ridicule de ce morceau de France installé à l'étranger. Alors, inutile d'en parler plus précisément. Oui, disons simplement que la crème de la collaboration se retrouve là-bas. Hein. Oui, tous les chefs collabos ont fui en Allemagne. Enfin, remarquons simplement que ni Pétain ni Laval, qui sont partis contre leur gré, n'assument la responsabilité de ce gouvernement de fiction. C'est une délégation présidée par un ancien ministre de Vichy, Fernand Brinon, qui est censé gouverner. Avec l'appui des autres dirigeants de la collaboration. À l'exception de Doriot, qui n'ira jamais à Sigmaringen. Et le jour où il décidera enfin d'y aller, il trouvera la mort. Enfin, on va y revenir. Oui, j'y compte bien. Pourquoi se tient-il à l'écart ? Bah d'abord, il méprise tout ce petit monde de Sigmaringen. Ensuite, il n'a pas renoncé à son rêve de fonder un gouvernement révolutionnaire en exil. Et il ne va avoir de cesse de convaincre les Allemands de l'y aider. D'ailleurs, Hitler, qui l'a rencontré en septembre, lui a laissé entendre qu'il était favorable à cette initiative. Toutefois, l'ambassadeur Abetz et le ministre allemand des Affaires étrangères, Ribbentrop, s'y opposeront de toutes leurs forces. Mais si Doriot n'est pas à Sigmaringen, alors où se trouve-t-il ? Il trouve d'abord refuge dans le Palatinat, où son ami, le Gauleiter Burkel, l'accueille bien volontiers, lui et ses amis du PPF. Là, Doriot crée une radio, un journal, et essaye de recruter. Recruter où ? Bah, parmi les Français qui se trouvent en Allemagne. Bah, écoutez, non, les hommes du STO, là, le service du travail obligatoire ? Ah oui, il y a aussi les centaines de milliers de prisonniers. Mais autant le dire tout de suite, ils ne rencontrent guère de succès. Car la plupart de ces gens-là ne sont guère pro-allemands. On les comprend, ouais. Alors, en fin de cas, ça veut dire que Doriot croit toujours à la victoire de l'Allemagne. Oui, alors même que les nazis reculent sur tous les fronts. Ah, il y aura quand même la contre-offensive allemande dans les Ardennes. C'est vrai. À la fin de l'année 44, une action militaire qui finira par échouer, mais qui a donné du fil à retordre aux alliés et surtout soulevé un immense espoir chez tous les chefs de la collaboration qui se voyaient bientôt revenir en France dans les fourgons de l'armée allemande. Doriot y a cru, lui aussi. Naturellement. Mais revenons un tout petit peu en arrière. À la fin du mois de septembre, le protecteur de Doriot, Burkel, meurt. De quoi ? On ne le saura jamais. Ah bon ? Mais dans les milieux du PPF, on parlera d'assassinat. Et ça permettra plus tard d'accréditer la thèse d'un autre assassinat, celui de Doriot. Et à votre avis, alors ? Bah, franchement, je ne pense pas que le Gauleiter ait été tué. Il est plus probable qu'il se soit suicidé. En tout cas, cette mort impose à Doriot de changer de résidence. Et les Allemands lui trouvent un château et des dépendances situées à Manau, une île du lac de Constance. C'est là qu'il déménage avec tout son état-major. Et c'est à quelle distance, ça, de Sigmaringen ? Quelques dizaines de kilomètres, disons à une heure ou une heure et demie de voiture. Et pourtant, Doriot n'ira jamais à Sigmaringen. Non, car il entend ne s'y rendre qu'en vainqueur. Et comme à son habitude, il fait du forcing auprès des nazis pour se voir reconnaître comme le seul chef de ces Français exilés en Allemagne. C'est presque pathétique, au fond, cette obstination. Enfin, surtout quand on pense à la situation militaire. Mais quand même pas le défendre, non ? Non, loin de moi cette idée, car je... Mais là où vous avez en partie raison, c'est que Doriot, sa vie durant, a cherché le pouvoir. Et quand enfin il sera à deux doigts de le saisir, très provisoirement, bien sûr, il mourra. Mais comment va-t-il faire là, pour acquérir ce pouvoir là ? Eh ben, son ennemi, l'ambassadeur Otto Abetz, s'est d'abord débarqué. Ça lui permet de travailler à sa grande idée, la création d'un comité français de libération qui regrouperait tous les mouvements de la collaboration. Comité dont il serait chef. Hein. Bien entendu. Ouais. Et je pense que vous l'avez noté, Doriot, en prenant la création de ce comité, ne fait que singer le général de Gaulle. En même temps, le PPF fonde des écoles où l'on forme des types qui seront parachutés en France afin d'y susciter des troubles et de préparer la Grande Révolution. Il y aura un commencement d'exécution ? Oui, mais la plupart de ces hommes seront rapidement identifiés et arrêtés. Et comment réagissent les autres chefs collabos devant l'initiative de Doriot ? Diversement. Les Allemands qui ont maintenant décidé de jouer la carte Doriot se font pressants. Et Brinon, par exemple, le président de la délégation française gouvernementale, se rallie à lui. Mais les autres sont franchement contre. C'est le cas de Darnand, de Déa ou encore de Bucard. Et c'est pour les convaincre que le leader du PPF décide de se rendre à Sigmaringen. Mmh. Et c'est sur le trajet, hein, je crois, qu'il va mourir. Oui, oui, vous connaissez sans doute l'histoire. Mmh. Quelques kilomètres avant Sigmaringen, deux avions survolent la voiture de Doriot et la mitraille. Le chef du PPF est grièvement blessé et meurt très rapidement. Alors, la première question qui se pose, hein, c'est, si je puis dire, la nationalité de ces deux appareils. Oui, enfin, pour les uns et les amis de Doriot, en général, ces avions étaient allemands. Mais pourquoi les Allemands se seraient-ils débarrassés de lui alors qu'ils venaient de l'autoriser à créer ce fameux comité de libération ? Oui, vous avez raison, mais ce n'est pas très cohérent. Même si ces militants en PPF soutiendront que Doriot s'est montré indocile et qu'il avait pris l'initiative d'envoyer des émissaires aux troupes alliées. Ah, il aurait donc trahi ses amis allemands. C'est ce que ces gens-là prétendent. Oui, et ça vous paraît crédible à vous ? Qu'il a essayé de connaître les intentions des alliés et surtout des chefs militaires français. Bon, pourquoi pas ? Mais ça n'a pas dû aller très loin. Alors non, en réalité, je n'y crois pas. Doriot, qui triomphait enfin, n'aurait pas pris ce risque. Alors d'autres ont soupçonné ses rivaux politiques de l'avoir éliminé. Qui ? Déa ou Darnand. Bah, attendez, en se servant d'avions allemands ? Et là encore, ça me paraît peu vraisemblable. La Luftwaffe n'aurait pas mis à la disposition de ses hommes des appareils pour assassiner un dirigeant français que les Allemands s'étaient enfin décidés à soutenir. On a parlé aussi de rivalité au sein des services allemands. C'est l'Abwehr, le service de renseignement de l'armée, qui serait à l'origine du coup. Mais dans quel but alors ? Assassiner un type qui avait longtemps travaillé pour son service rival, l'ESD. Mais c'est oublié qu'après l'attentat contre Hitler, l'Abwehr n'existait pratiquement plus et que son chef, l'amiral Canary, accusé d'avoir eu partie liée avec les comploteurs, avait été liquidé. Ouais. Autre hypothèse, encore plus farfelue, Doriot aurait été victime de la lutte pour le pouvoir qui se jouait entre Bormann et Himmler. Alors, pas d'avions allemands, donc des avions alliés. Oui, c'est la seule hypothèse sérieuse, même si ces hommes... Vous voulez dire les hommes du PPF, c'est ça ? Oui. Donc, même si ces hommes ont prétendu plus tard qu'ils n'avaient jamais pu retrouver un ordre de mission impliquant la présence d'avions anglo-saxons dans la région ce jour-là, mais c'est absurde. Faut pas oublier qu'à ce moment-là, en février 1945, des milliers d'avions alliés survolaient quotidiennement le territoire allemand, ou enfin ce qu'il en restait. Alors, pourquoi toutes ces hypothèses, enfin plus fumeuses les unes que les autres, hein ? En général, elles viennent d'amis de Doriot, je vous le rappelle. Des hommes qui ne manqueraient pas un jour ou l'autre d'être rattrapés par la justice française. Alors, en prétendant que c'était des avions allemands qui avaient tué leur chef, ils se décernaient à eux-mêmes une sorte de brevet de patriotisme. Ouais, si Doriot avait été éliminé par les Allemands, c'était que ceux-ci avaient quelque chose à lui reprocher. Exactement. Hein, et le pseudo-patriotisme anti-allemand de Doriot rajaillissait sur eux. En fait, vous l'avez compris, ces hommes du PPF, en propageant ces rumeurs, ne pensaient qu'à sauver leur peau. Deux éléments viennent étayer la thèse de M. X. Dans son livre sur Sigmaringen, l'historien Jean-Paul Cointet fait état du témoignage de Knochen, ancien adjoint au chef de la SS, devant le tribunal militaire. Il a confirmé que la voiture de Doriot avait bien été mitraillée par des avions anglais. Ensuite, il y a une déclaration du secrétaire général du PPF, Victor Barthélémy. Je l'ai trouvé dans le livre d'Henri Rousseau, déjà cité, Un château en Allemagne. On a dit, on a écrit de divers côtés, que la voiture de Doriot avait été mitraillée par des avions allemands. Personnellement, je ne le crois pas. Au cours des deux semaines que j'ai passées à Meno, après la mort de Doriot, je n'ai entendu soutenir cette thèse par personne. Elle a pris naissance par la suite et elle put servir à étayer le système de défense de plusieurs de nos camarades.